Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est l'heure de votre consultation du samedi. Direction Nashville aux USA pour Edwin Starr. Il a fait partie de l'écurie de la Motown et a sorti plusieurs hits durant les années 70. Vers la fin de cette décennie, il s'adonne au disco et sort plusieurs tubes qui font fureur comme Happy Radio. Le titre qui nous intéresse est sorti en 1979. Il s'appelle Contact et est issu de l'album Clean sorti l'année d'avant. Le titre atteindra la première place des charts US durant une semaine et connaîtra aussi la gloire en Angleterre. L'artiste nous a quittés en 2003 suite à un infarctus. Le contact, c'est maintenant. Jet, le festival de toutes les musiques. Notre rubrique des 100 hits aujourd'hui va s'intéresser à Carl Bean et à son titre I Was Born This Way. Bunny Jones est une femme noire hétérosexuelle qui dirige un salon de beauté à Harlem où de nombreux employés sont gays. Au début des années 70, ces derniers sont encore victimes de l'exclusion et du jugement dans une société américaine encore très puritaine. Bunny, elle écrit en 1971 l'hymne qui leur manque, mais ce n'est qu'en 1975 qu'elle va rencontrer celui qui va mettre en musique le titre, Chris Spearer. Alors, il va rester à trouver celui qui va l'interpréter, et ça, c'est pas une chose facile. Un jour, par hasard, elle entend chanter Valentino, qui adapte la comédie musicale Air. Ce dernier trouve la chanson superbe et accepte de l'interpréter. Bunny, elle va décider de produire et de vendre le disque elle-même. Elle va réussir à en vendre 15 000 environ avant que la Motown ne décide de reprendre le flambeau et de distribuer le disque. Alors, nombreux sont les médias et les DJ américains qui boycottent le titre par peur de choquer leur public, mais aussi à l'inverse, ils n'ont aucun souci à diffuser des titres comme ceux de Donna Summer ou Andrea True. À Londres, par contre, ça fait un tabac. En 1977, Motown veut produire une version encore plus disco et Bunny, elle va alors suggérer le nom de Carl Bean pour interpréter le morceau. Le résultat sera nettement supérieur à l'original. Carl Bean, bah, il faut bien l'avouer, il chante mieux que Valentino. Alors cette année-là, le disco gay est au sommet des charts avec Sylvester et Village People. Le titre va alors faire un énorme carton. Après le succès, Carl Bean deviendra pasteur. La chanson, elle va être reprise aussi par Lady Gaga en 2011, avec le succès que l'on connaît. Place à l'écoute. Now Alors la phase B aujourd'hui est consacrée à Shalamar. Le titre The Second Time Around, ça vous parle je suppose. Eh bien plutôt, si on retourne le 45 tours, c'est Leave It All Up To Love, sorti en 1978. Alors il est extrait de l'album Big Fun. En ce qui concerne la face A, bah, le titre il figure pas sur le 43, sur le 33 tours, je m'emmène les crayons moi. Allez donc savoir pourquoi. Comment Second Time Around, il est quand même connu car le 45 tours est classé numéro 1 aux États-Unis et ça a figuré parmi les meilleures ventes de l'année. C'était en 1978 et ça donnait ça. Maxi du jour, on va reprendre une petite tranche de Phil Ferron. Alors en 1983, Phil Ferron and Galaxy signe sur le label Hansing Records de Bob Geldof. La même année, le groupe va réaliser une série de singles qui vont faire un carton au Royaume-Uni. Le premier, intitulé Dancing Tight, est composé par Phil Ferron lui-même et va préparer le terrain de la victoire en quelque sorte. Alors il va atteindre le top 5 du classement anglais. Et ça va emmener le groupe sous les projecteurs. Alors le tube fait la une de l'émission radiophonique londonienne Saturday Soul Show de Robbie Vincent en 1983. Dancing Tight sera suivi par un hit Wait Until Tonight My Love. Et encore un autre, Fantasy Wheel, mais assez parlé, place à l'écoute. You for so many days. Now I'm feeling brave enough. I wanna ask you, can I take you out? Hey, what do you say? I'll be throwing pebbles up at your window, so make sure that you're ready when I call. Squeeze you all night. Gonna rock you till the morning. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Avant de se quitter, on va se délecter de la pépite. Aujourd'hui, Donna Summers et son Even Knows. Sorti en 1978, extrait de l'album Live and More, et ensuite il va apparaître sur Sleepless Night. Et c'est Joe Esposito qui va lui donner la réplique sur le titre. Alors le titre sera classé numéro 1 aux USA, c'est Giorgio Moroder qui est à l'origine de ce dernier. Alors le morceau, comme vous allez pouvoir le constater, est très feutré et on reconnaît bien la patte au chant de Donna Summer. C'est parti. C'est déjà la fin de notre rendez-vous. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Alors, je vais vous dire bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Dr Disco et Mr Funk. Bye bye.